Les pneus sont les seuls liens entre la voiture et la route, et la surface de contact avec le sol n'est pas plus grande qu'une carte postale. Ils ont une grande importance pour la tenue de route et les freinages. Un pneu est conçu pour être utilisé avec une pression de gonflage précise en fonction du véhicule sur lequel il est monté et des conditions d'utilisation. Un sous-gonflage, qui peut arriver rapidement si l'on ne le vérifie pas régulièrement, peut être la cause d'une usure irrégulière car les flancs du pneu seront plus sollicités, d'un éclatement car moins le pneu est gonflé, plus il chauffe et la déformation de la structure entraîne un cisaillement qui amène rapidement à l'éclatement. Quant au bruit, il est certain qu'un pneu mal gonflé n'aura pas le même bruit de roulement et celui-ci peut être très fort. Pour la contravention, et c'est peut-être dommage, rien n'est prévu pour le sous-gonflage. Seules l'usure et les déchirures sont normalisées. Réponse A, B et C.